Personne qui remplace ou se rapproche de nos proches, on s'emparente tout doucement d'une classe. On grandit des fois sans parents et c'est moche. Aucun remplaçant, de toute façon, faut que ça sache. Personne qui remplace ou se rapproche de nos proches, on s'emparente tout doucement d'une classe. Personne qui remplace ou se rapproche de nos proches, on s'emparente tout doucement d'une classe. Je l'ai vécu en parent, je m'approche, face au futur. Pour te dire que c'est dur cet avenir, tous ces murs de falaises, ces diplômes qu'il faut faire, c'est balèze. Pour avoir une carrière, c'est malaise pour certains. De trouver un emploi, c'est pareil qu'un barrière. C'est certain, et j'emploie une manière de te dire. Qu'est-ce que tu penses de ces gens sans argent et sans toi qui ont pas de chance? Pas d'espoir, trop de souffrance, viens de la France. Et mes souvenirs de l'enfance, et pas trop de vacances. Que la cité et le foot de banlieue sur la route au milieu. Diligence, pas de club, c'est trop cher, je te jure. Même si je rêvais d'y aller, c'est jamais arrivé. C'est normal, déjà dur de manger en ce temps. Et pourtant, c'était pas la guerre. On grandit des fois sans parents et c'est moche. Aucun remplaçant, de toute façon, faut que ça sache. Personne qui remplace, on se rapproche de nos proches. On s'emparente tout doucement d'une place. De nos jours, on avance d'un autre genre. Et je te jure que les jeunes disent poster l'argent. Fume des joints, mine de rien, qu'un énerve. À part ça, moi je suis fier, ça fait 7 ans maintenant. Pas de chance que j'ai depuis chaque moment qu'on est. La vie qu'on a fait, mère de ma fille. Dès que j'ai fait, c'est presque parfait. Et parfois j'y crois, mais ce monde est bizarre. Rien n'est fait au hasard, dans ma tête le bazar. Je sais pas comment réagir. J'aime pas ces pleurs, je préfère ces rires. Des fois c'est pire, dans ma tête j'ai peur qu'un jour se perd, se compte confier. Je suis trop isolé, mais je vais pas m'enfermer. Maintenant c'est plus comme dans le temps. Même si je veux plus m'en souvenir, cette époque où j'arrachais deux trois packs. Aujourd'hui plus me coûte, ça me dégoûte. Reste, je regrette rien, j'oublie pas. Même qu'il y a eu des hauts comme des bas. Et c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Mais crois-moi, nous deux c'est pas rien. Personne qui remplace ou se rapproche de nos proches. On s'emparente tout doucement d'une classe. On grandit des fois sans parents et c'est moche. Aucun remplaçant, de toute façon que ça sache. Personne qui remplace ou se rapproche de nos proches, on s'emparente tout doucement d'une classe. Personne qui remplace ou se rapproche de nos proches, on s'emparente tout doucement d'une classe. Personne qui remplace ou se rapproche de nos proches, on s'emparente tout doucement d'une classe. On grandit des fois sans parents et c'est moche. Aucun remplaçant, de toute façon, pour